Alors, la première chose que je voulais souligner dans le prolongement de ce qui s'est dit, et notamment de ce qu'a rappelé Élise, à propos de l'Université de Strasbourg, c'est que la prise de conscience de la gravité de la situation est telle que, outre toutes ces prises de position, de motions, de départements, de labos, de revues, il y a des conseils d'administration d'université qui prennent position contre les contre-réformes. Ça a été le cas aussi à Rennes 2, hein, le conseil d'administration s'est vraiment positionné. C'est assez étonnant comme type de prise de position, parce que c'est vraiment rare. Donc en soulignant notamment tous les effets délétères de la contre-réforme des retraites et de la LPPR, notamment en termes de précarité, et puis pour ce qui concerne la réforme des retraites, de la capitalisation progressive du système. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ça a déjà été rappelé, je voudrais le prendre aussi sous un autre angle, c'est qu'il y a deux éléments à articuler aussi à notre mobilisation à l'université. C'est d'une part tous les enseignantes et enseignants précaires. Donc on sait que la loi de programmation pluriannuelle de la recherche va aller encore dans le sens d'une accentuation de la précarité. D'ores et déjà, il y a énormément de collectifs de précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ont décidé de se mettre en grève. Et ça, c'est un élément très important qui nous fait réfléchir, ça, le sens de mon intervention, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, par rapport à ces décisions, à ces prises de position d'action? Comment on fait pour soutenir, alors là je parle aussi en tant qu'enseignante, hein, d'abord et avant tout, comment on fait pour soutenir les enseignants et enseignantes précaires qui décident de se mettre en grève? Donc il y a des caisses de grève, c'est très important, mais je pense que ce n'est pas tout à fait suffisant. Et autre chose, c'est ce qui a été rappelé sur la situation dans les lycées, il y a énormément d'élèves et de professeurs qui sont mobilisés dans les lycées, qui attendent beaucoup de l'enseignement supérieur, en fait. Et ce serait vraiment très important de ne pas cloisonner les sphères. En gros, on est touché de la maternelle à l'université, et ça doit vraiment nous aider à discuter aussi, en quelque sorte, de stratégie de lutte. Parce que moi, c'est vraiment une question ouverte que je me pose. Donc, je l'ai dit, hein, je suis dans le département d'histoire. Il y a beaucoup de collègues qui sont là, présentes et présents dans cet AG, et c'est vraiment important. Pour ne rien vous cacher, on a eu des petites tensions ces dernières heures, hein, qui nous aident à réfléchir, même si parfois elles peuvent nous affecter personnellement. Mais c'est le lot des mobilisations avec cette intensité. En gros, je résume la tension, l'interrogation sur ce qu'on peut faire pour instaurer un rapport de force qui soit tel qu'on puisse espérer gagner sur cet enjeu majeur. Donc la question, c'est est-ce que on fait autre chose que des cours? Je ne dis pas forcément supprimer tous les cours pour les remplacer par autre chose, mais voilà, c'est une option. C'est l'option que certains d'entre nous, comme Élise l'a souligné, on a choisi, c'est-à-dire de faire un programme, non pas forcément de cours alternatifs, mais de débats, de discussions. Donc il y en aura dès demain sur la manifestation à 13h, ce sera au bâtiment Lavoisier. Voilà, qu'est-ce que manifester, qu'est-ce que se soulever. Il y en aura une aussi à 15h sur le néolibéralisme, entre autres. Hein, donc je vous enverrai le programme, je peux vous l'indiquer. Et des collègues disent aussi, mais en revanche, non, il faudrait plutôt maintenir les cours lorsqu'il n'y a pas de journée d'appel à la grève, d'appel à la mobilisation, parce que ça peut aider aussi à discuter avec les étudiants, ça peut aider à ne pas perdre des étudiantes et étudiants qui ne viendraient pas s'il y a autre chose que des cours, etc. Donc je pense que ce serait vraiment très très important qu'on discute aussi de ça, et que nous, comme enseignantes et enseignants, on ne soit pas les seuls à en discuter et un peu à nous écharper, ce qui est normal, sur cet enjeu.